c'est fou. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Le bulletin sport, Vincent, 10% avec Vincent Gauthier. On reçoit aussi Mme Jocelyne Jourdouin, du Centre d'information sur le bœuf. Rassemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 15 décembre. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Et aujourd'hui, on reçoit Francine Jourdouin. Francine Jourdouin, oui, tout à fait. En fait, il y avait comme une erreur dans mon courriel. Francine Jourdouin du Centre d'information sur le bœuf qui va nous parler, en fait, comment est-ce qu'on peut apprêter le bœuf dans le temps des fêtes si on reçoit des amis. La différence entre le roast beef et le rôti de bœuf, c'est ça qui m'intéresse, moi. Ouais, ben on va lui... lui poser la question. J'ai bien hâte. On a aussi Vincent Gauthier avec sa chronique sport Vincent 10%. Il est avec nous d'ici la fin de l'émission, vers les 8h quelques. Oui, vers les 8h30. Juste une seconde, en fait, je vais te dire de quoi il va nous parler précisément. Il m'a envoyé un petit courriel. Ça, c'est intriguant. Hier. Et puis, en fait, là, de mémoire, je sais qu'il nous parle de football. Il va nous parler des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Qui connaît, soit dit en passant, qui marque sont en feu. Oh. Plus le toit du Métrodôme de Minneapolis qui s'est effondré. On va nous parler du hockey junior, le camp d'équipe Canada. Et puis, on peut toujours terminer en parlant du Canadien de Montréal. Tu vois comment c'est dangereux quand une équipe est en feu? Ça détruit les stades. C'est pas correct, ça? Ouais, ouais. Hey, mais tu l'avais-tu vu à TV, ça? Non. Non? Un crime, ouais, ça tombe solidement. Ouais, ouais, ouais. Et puis, tu vois, c'est bizarre parce que tu vois vraiment le toit s'affaisser. C'est vraiment, là... Il y a pas juste le stade olympique, en fait, là. Que des problèmes. aussi, l'émission d'aujourd'hui, une chronique, c'est un fait sur des choses à partager, peut-être au stade, pendant l'hymne national. Tu te racontes des faits, bien plus intéressant. Hein? Yes. C'est ça. Donc ça, c'est d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on commence avec les frères Goyette. Voici une pièce du palmarès francophone. C'est Mercury, aka Pierre Mercure. Sur C'est fou, 89 ans. Froid de canard et février demeure le mois le plus tough. Et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace et mettent la table. Le hockey est à la carte. Et certains disent qu'un prodige serait au vestiaire. Un bulbe de tulip enfoui sous un gros pied de terre. Un genre de qui la fleur évoluant pour sa brosseur. Mais qui patine pas, qui se joue en musique. L'athlète semble venir d'ailleurs d'un long voyage en porte-conteneur. Mais c'est des oui-dire, il y a son passeport, il y a sa paperasse,

L'inscription est obligatoire. Et puis, le 9 janvier, en finissant comme ça, comme je t'ai dit, c'est très rapide. Le 9 janvier, c'est un match des Patriotes à 16h au Colisée de Trois-Rivières et c'est gratuit pour les étudiants de l'UQTR sur présentation de la carte étudiante. Sinon, c'est 8$ par adulte et étudiant du cégep ou de l'école secondaire ou primaire ou même maternelle, c'est 3$. Bon. Hein? Tant que tu étudies. Oui. Tant que tu dis que tu étudies. Tant que tu dis que tu étudies. C'est ça. Que tu es capable de le dire sans t'en faire jouer dans ta langue. Oui, ou sinon, peut-être qu'ils peuvent te demander une carte étudiante. Mais à la maternelle encore, je pense que j'en avais pas. Peut-être que là, ils en font, là, je sais pas. Peut-être maintenant que tu as un scan de métal quand tu rentres à la garderie. À un moment donné, on va avoir toute une petite plaquette dans la tête. Ouais. On va se scanner. Puis, ah, j'ai hâte à ce jour. Ton numéro va apparaître. Puis, ouais. Ouais, c'est beau. C'est beau la vie. Merci François. Ben, ça fait plaisir, c'est comme je te dis, en fait, c'est très très bref. Ouais. Janvier, bon, non? Ben, janvier, c'est parce qu'on va, on revient en 10, en ondes le 10, donc. Exact, c'est un petit peu trop loin. Merci donc, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. C'était Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Quoi? Assemblage Requis. C'est quoi ça? Ok, ça c'est l'émission matinale, c'est parce que pas c'est. Pas en pièces détachées. En pièces détachées parce qu'il y a plusieurs morceaux qui s'imbriquent ensemble, ça va? Ok, oui, ça va. D'accord. Je comprends. Sinon, on pourrait aussi dire l'émission construite à partir de matériaux de qualité. OK. Mais on mentrait. Recycler. Recycler. Recycler. Une bonne partie de fibres recyclées. Oui. Avec le logo FSC. Hein? FSC, tout à fait. On est bon pour l'environnement. Oui, oui. On est vert. Comme ta chemise à carreaux aujourd'hui. Oui. T'as une belle chemise. Ça fait tant des fêtes. Oui, mais je l'aime, ta chemise. C'est belle. Merci. Je suis jaloux. J'ai mon chandail de Vanessa Parietaire parce que je suis fan. Fini. Il est vert aussi. Et il est vert aussi. Ouais. À vous, tu y avais pensé. On s'est appelé ce matin. Oui. Mathieu, tu t'habilles comment? Vanessa Parietaire, ouais, c'est vert ça. Ouais. Je mets ma chemise. Écoute, après ça, on sort du studio main dans la main. C'est beau à voir. Hein? C'est beau. Dans ma tête, c'est beau. Là. Oui, c'est ça. Tes rêves sont presque. Presque fantastiques. Ouais, c'est ça. Presque fantastique. On écoute Chantal Archambault à l'instant. Voici Panache. Sur C'est Fou. 89.1 FM. Tantôt, on a fait un bloc qui fitait tellement pas ensemble, les trois pièces, que là. Celle-là, ouais. Peut-être. Je t'ai perdu, ton camouflage est trop fort. Et si je reprendrai le nord, avant que la nuit vole ton ombre et mon chemin aussi. Mais lors de mon retour, mon amour, mes hauts talons, j'ai cassé. Et si je ne pourrai déposer mes yeux dans des yeux si hautement. Je peux garder telle une promesse. ici pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. Cet hiver, c'est fou. In the meadow, we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies come down. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h. C'est fou! Dans les placards et la pièce Janine, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou au 89.fm. Oui. Oui. D'ailleurs, cette semaine, soyez là jeudi entre 14h et 17h, c'est la compilation de l'année au complet. Ça va être excellent, ça. C'était fou en 2010 avec Stéphanie Gagné et Mathieu Plantin. Beaucoup de bonne musique en 2010, Mathieu? Oh que oui. Oui. Oh que oui. Je sais déjà c'est quoi le numéro 1 francophone, mais je te le dis pas. Oh ouais, tu me gardes en suspens comme ça. Mais tu vas l'aimer. Oui. C'est une pièce que tu as fait jouer souvent. Non, essaye pas. Je sais pas. Parce que si tu l'as, je te dirai pas que tu l'as. Fait que ok. Pas grand chose, hein? Ok. C'est le suspense de l'auditeur. Ouais. Le tien, ouais. Je m'en fous. Est-ce qu'on l'a fait jouer plus tôt? Oui, non. Oui, okay. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ok. Plutôt ce mois-ci, mettons. Peut-être l'autre mois d'avant. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas joué. Bon, donc, c'est un fait. C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est quoi? On dirait que je suis plus capable de penser à rien d'autre. Pense au fait que je vais te dire, ils sont mémorables, François. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables trouvées sur les différents internets dans la section des tubes. Oui. Des tubes. Des tubes. Des tubes. J'adore ça. Donc, commençons par une citation du chairman qu'on appelle de The Beers. Tu connais la compagnie qui font les diamants, les bijoux, là? Non, je suis pas un grand fan, là, mais... Moi non plus, exactement. Okay. J'ai vu les pubs à télé, c'est pas mal tout. Mais en 1999, il a dit, et je cite, « Les diamants sont ne valent vraiment rien, excepté pour le fait qu'ils remplissent un besoin psychologique. » C'est un c'est fait, beau, il a dit ça. Hein? Ouais. Ouais. C'est quand même le propriétaire d'une compagnie de bijoux, là, en 99, il a dit ça. Mais au moins, il sait, tu sais. Ouais. En plus, la seule affaire que je pense que le pourquoi, c'est que c'est rare, tu sais, en fait. Oui. Cher. Ben, oui, puis c'est beau, ça brille. Puis ça se casse pas facilement. Ça se casse pas, en fait. Ça, tu peux, je pense, faire une craque dans un miroir avec un diamant, ça se peut-tu? Oui, ouais, ben c'est le matériau, en fait, le plus solide. Souvent, on retrouve aussi des points de diamant pour couper de la céramique, ouais. Ces trucs-là. Tout à fait. Voilà. Savais-tu que, et là, c'est une sorte de tomate, c'est la South Arkansas Vine Ripe Pink Tomato. Ça, c'est une tomate, ça? Oui, c'est une tomate. C'est d'ailleurs le légume officiel de l'Arkansas, et c'est aussi le fruit officiel de l'Arkansas. Parce que c'est, tu sais, tomate, fruits, légumes, etc. Parlant de tomate... À la base, oui. La tomate, c'est un fruit. C'est un fruit, c'est ça. À cause okay. de... C'est, à cause que ça pousse ça? Ça pousse dans un arbre? Il y a un fait tout à l'heure sur qu'est-ce qui explique que quelque chose soit un fruit ou un légume. J'en parlais tout à l'heure. Okay. Pour l'instant, il y a un fait sur les tomates. C'est que les 8 jus dans le V8... Les 8 jus. Tu te demandais toujours c'était quoi les 8 affaires. Pas 8 sortes de tomates. Non, c'est tomates, épinards, céleri, carottes, bêtes, laitue, persil et du watercress. Ça, c'est les... Watercress? Watercress, c'est des lido. Comment ça s'appelle, Colin? Le nom ne vient pas. Je sais pas. Attends, watercress. Je sais pas, mais parlant de V8, moi, j'aime beaucoup mieux le Garden Cocktail. Je trouve ça meilleur, pas toi? Ben oui, maintenant que t'en parles, c'est vrai que c'est bon ça. Ouais. Watercress, c'est un cresson de fontaine. Ah. OK. Super. Mais ça ressemble à quoi? On dirait que non, ça me dit ça. Pas plus de quoi. Yeah, cherche, je vais pas en acheter beaucoup à l'épicerie. Cherche Watercress là, dans Google Images, tu vas le voir. C'est une affaire avec des feuilles vertes. C'est sûrement bien connu, mais moi je connais pas ça. Petite feuille verte, ça ressemble un petit peu. Ça ressemble à comment t'appelles ça? Quand tous les mots ne me viennent pas aujourd'hui, ça va vraiment pas bien. C'est vert, c'est des petites feuilles. Bon. Ça ressemble à des épinards. Là, des épinards, mettons. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. On parlait de diamants tantôt, de bijoux pour les femmes. Jusqu'aux années 1800 environ, certaines Américaines, des femmes, recevaient des dés à coudre comme symbole de leur fiançailles. Un dé à coudre. Un dé à coudre. Ah! Ce qu'on se met sur le doigt, là. Ah ouais, c'est... Symbole de leur engagement, fiançailles. Coûte pas cher. Coûte pas cher du tout. Puis c'est pratique, tu sais. Fais-moi une petite chemise. Mais oui, c'est ça. Tu donnes quelque chose à ta femme qui te permet après ça de te faire faire des affaires par elle. Fais-moi une couverte. C'est ça. J'aime ça. Savais-tu que Pamela Anderson était le Centennial Baby du Canada? Et là, tu me demandes, c'est quoi le Centennial Baby? Exactement. C'est ça. C'est que l'ancienne beauté de Alerte à Malibu était le premier bébé à naître au Canada lors de son 100e anniversaire, le 1er juillet 1967. Donc, elle est née le 1er juillet. Et voilà, 1967. C'est bien, hein? Elle est née à Ladysmith, une petite ville sur la côte est de l'île de Vancouver. Anderson, d'ailleurs, qui a commencé drôlement dans le métier, hein? Elle était à une partie de football des Lions de la Colombie-Britannique, les BC Lions. Une caméra télé l'a vue avec un T-shirt de Labatt. Non, et puis non, le public applaudissait, criait, l'adorait, fait qu'ils l'ont engagé pour faire sérieux? Des promos. Ça a commencé comme ça? Oui, sa carrière. Et après ça, elle a fait Home Improvement, la petite sitcom avec Tim Allen. Puis là, après ça, elle est devenue la grosse date de Alerte à Malibu. Etc, etc. Ça a commencé par un chandail de la batte. Belle leçon à apprendre. Hein? Ouais. Je sais pas si le monde aurait applaudi, ça aurait été moi. Pas sûr. C'est quoi? Pas certain. Savais-tu que le lait de chameau a 10 fois plus le de fer? Le lait de chameau. Premièrement, je savais même pas que les chameaux faisaient du lait. Tu peux continuer. C'est ça. Bref, ça a 10 fois plus de fer que le lait de vache. C'est aussi riche en vitamine B et C, et c'est plus faible en gras saturé. Par contre, c'est un petit peu plus salé que du lait de vache. masque, c'est vrai. Des recherches ont suggéré que ça contient aussi des anticorps qui pourraient aider à combattre le cancer, le sida et l'hépatite C. Le sida? Le sida. Combattre le sida? Pourrait aider à combattre. Ah. Pour ces raisons-là, on a essayé en tout cas de pousser le lait de chameau dans des marchés comme l'ouest de l'Europe. Ils essayaient de vendre ça. Par contre, quelques petits désavantages, c'est que la majorité des producteurs de chameaux sont des nomades et aussi que c'est beaucoup plus cher à produire que du lait de vache. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi non plus à trouver une façon de faire qu'ils ne deviennent pas mauvais, finalement, périmés aussitôt. Parce qu'apparemment que ça prend pas beaucoup de temps avant que ça vire, ce lait-là. Bref, du lait de chameau. Peut-être un jour, on boira ça comme autour d'un repas de bœuf, mettons. Un petit peu de bœuf, un petit peu de lait de chameau. Hein? Les deux ensemble. Ça va très bien ensemble. Il y a un volcan, le Taal Volcano, qui est sur une île, dans un lac, sur une île, dans un lac, sur une île. Est-ce que tu me suis? Non. C'est ça. Pas tout. C'est un volcan en Philippines qu'on trouve sur le Vulcan Point, qui est à l'intérieur du Crater Lake, qui est sur la Taal Island, à l'intérieur du lac Taal, sur l'île de Luzon. C'est vraiment un volcan sur une île, dans un lac, dans une île, dans un lac, dans une île. Fort, hein? Ouais. Incroyable. Mais c'est vrai. Où t'étais en vacances? Ben écoute. C'est une longue histoire, là. De petites 10 minutes. Savais-tu que les koalas boivent rarement de l'eau? Non. C'est vrai. C'est parce qu'ils prennent pas mal leur, ce qu'ils ont besoin dans leurs feuilles d'eucalyptus. D'accord? Qui sont, en passant, du poison pour la plupart des autres mammifères. C'est ça, c'est ce que je m'allais dire. L'eucalyptus, c'est très, très fort. Mm-hmm. On en met souvent, mettons, dans un mouchoir sur la grippe ou ce truc-là. Crème à main, je sais pas. Non. Ah, peut-être. Par contre, dans des cas où l'animal aurait vraiment besoin d'eau, là, parce que, je sais pas, il y a une sécheresse en quelque part, ils sont capables de prendre de l'eau. Donc, c'est juste qu'ils veulent pas le faire en temps normal parce qu'ils en ont pas besoin. Mais quand ils doivent le faire, ils le font. Voilà. C'est parce que quand il y a des sécheresses majeures, ça enlève... Dans l'eucalyptus. Comment dire? Moisture? L'humidité? Ouais. Humidité. Ouais. C'est le mot, je pense. Mais c'est des sécheresses. J'imagine que l'eau va être plus rare aussi. Mais... Ouais, peut-être aussi. Peut-être. Ouais. Peut-être. Sais-tu que les castors, avant, étaient de la grosseur d'ours noir? Hein? Oui, c'est le gigantesque castor, qui est de la même famille que notre castor commun de nos jours, se promenait sur Terre lors de l'ère de glace. Ces créatures-là pouvaient faire jusqu'à 7 pieds et demi de haut. Sac, c'est énorme! Ouais, mais ça fait 10 000 ans qu'ils sont disparus. Ah! Plus à s'en faire. Ouais, ouais. Castor géant. Castor géant, dans le bois, tu rencontres ça. Uh-oh. On parlait tantôt de fruits, c'est de légumes. Le concombre est aussi techniquement un fruit. Même chose pour le squash et pour les poivrons. Le concombre. Ouais. Pourquoi? La raison, c'est parce que les concombres sont dans le fond les ovaires matures d'une fleur. D'accord. Et donc contiennent des grains. Des graines, si on veut. Des graines. Par contre, pareil comme les tomates, les poivrons, les melons et le squash. Ça, c'est la courge du spaghetti, si je me rappelle bien, le squash. Ouais, c'est ça qui est fait avec une drôle de forme. Ouais, ouais. On les appelle souvent des légumes, évidemment, dans la vie de tous les jours. Mais bref, ce sont des fruits. Ah, c'est bizarre, un piment, un fruit. Avec, Un concombre, un fruit. Ouais. Mais ça changera jamais. On va toujours appeler ça des légumes. Mais ouais. Techniquement, sachez-le, ce sont des fruits. Bon. Le nom complet de l'artiste célèbre Pablo Picasso. Pablo Picasso, tu connais? Oui. C'est Pablo Diego. Mon grand chum. Ton chumé Pabs. Pabs. Pabs Blue Ribbon, que je l'appelle. Pabs Blue Ribbon. Wow! Son vrai nom, c'est Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Cut! Cut! J'ai quand même eu, là, quand même, pour se quelques syllabes près. C'est de la job, ça. Ouais. Ouais. Tabarouette, hein? Ouais. C'est un nom, hein? Ouais, tout à fait. Ouais. Écrire ça au primaire, hein? Pas évident. Pas du tout. Alors, on va y aller avec... Est-ce que j'en fais un dernier parce qu'il est vraiment bien? Vas-y. On va faire celui-là. Trois des six hommes qui ont joué, c'est le mot le plus facile, les trois Stooges étaient des frères. Ah! Ça va être ça. Le trio original comprenait, dans le fond, les frères Moses et Samuel Horwitz et Louis Feinberg. Le trio... avait dans le fond les noms de Mo Howard, Champ Howard et Larry Fine. Tu connais évidemment les personnages des trois Stooges. Ouais. En 1932, Champ était tellement frustré qu'il a démissionné du trio. Donc Mo a suggéré que son jeune frère Jerry prenne la place de Champ. Donc dans le fond, Champ est parti, le frère de Champ a pris sa place. Après s'être rasé la tête, Jerry a choisi le nom Curly quand même. Curly qui veut dire frisé. Pourquoi? Ensuite, le trio est devenu populaire. En 1934, ils ont commencé une série de courts-métrages avec Columbia Pictures. Pendant la décennie qui a suivi, les Stooges étaient tellement populaires, mais le frère Curly a commencé à développer un problème de boisson pour cacher ses insécurités. personnel, dit-on. En filmant Half-Wit Solid Day en 1946, Curly a eu comment t'appelles ça, un stroke? C'est un arrêt cardiaque, je crois. Ouais. Ouais. Bref, il s'en est jamais remis. Il est jamais apparu dans un autre film des Stooges. Par contre, il a fait un caméo, une apparition genre éclair en 1946 dans Hold That Lion. Il a été remplacé par son plus vieux frère, Champ, lui aussi. Un autre Champ. Trois frères, mais qui jouaient trois personnages qui n'ont pas vraiment joué tant que ça en même temps. Le seul film, c'est Hold That Lion, dont j'ai parlé il y a quelques secondes. Ce film-là était le seul film des Stooges à avoir les quatre membres originaux du groupe. C'était aussi la seule fois où les trois frères apparaissaient à l'écran en même ensemble. Temps. Seule et unique fois. Bref, les trois Stooges, j'aime bien ça, mais les trois Stooges. C'est ça. Ça finit là-dessus, c'est plate. Ah, j'ai trouvé aussi une vidéo sur YouTube, je t'ai mis le lien sur assemblagerequis.com, de qu'est-ce qui se passe quand tu mets un savon dans le micro-ondes. J'avais jamais vu ça. Un savon? Ouais. Ah oh ouais, j'ai goûté d'aller voir ça. J'avais vu des niaiseries comme des CD qui éclataient dans le micro-ondes, mais un savon, je dois dire que moi, j'avais jamais vu ça. Des CD éclatent dans le micro-ondes aussi? Ben, ça fait des genres de cracks, il me semble. Okay. C'était pas super mémorable. Ah non, attends, je pense que ça faisait des genres de sparks, des genres de petits éclairs. Spéciaux. Mais bref, le savon, c'est drôle, ça devient une espèce de grosse boule de... Je sais pas quoi. De savon, probablement. Mais ça a l'air de nuage. C'est cute. Ouais, je vais voir ça. CD de microwave. Je vais vous mettre le lien pour le CD dans le micro-ondes aussi. Ça finit bien la chronique, je trouve. Vraiment. Je vois ça sur YouTube. Là. Il y en a qui mettent n'importe quoi là-dedans. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Skittles, cellphone, condom. Ouais, c'est ça, le CD, c'est vraiment les petits éclairs, puis ça genre, ça craque en des millions de petites craques. C'est bio. C'est bien et c'est beau en même temps. Waouh. Bon, moi, j'arrête ça ici, je trouve que c'est vraiment plate notre fin de chronique. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Je suis en train de voir le savon. Ah là. Oui? Ouais. C'est bien. Hein? Oh, nuage. Ouais, bien. On dirait vraiment un nuage. On dirait un gros Weepet qui veut pas finir. De... Ou dans Ghostbusters, là, le gros espèce de gros personnage. Là. Comme ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Là. Blanc, Stay Puft. Ouais. On dirait que j'ai plus de souvenirs de Ghost. Je te pardonne, François. Ouais. Je te pardonne. C'est quoi le titre? J'ai oublié le titre. Ghost. Ghostbusters. Hein, j'ai même oublié le titre. Ça va bien, mon enfant. En français, je sais pas, mais il me semble que ça s'appelait peut-être Ghostbusters aussi, j'imagine. Ouais, je pense que oui. C'était pas Chasseur de fantômes, quelque chose de genre. Ah, peut-être. Tu sais, des fois, ils sont fanatiques des traductions. Parce que Star Trek, c'était genre la patrouille de l'espace, là, en français au début. Là. Quelque chose du genre. Là. Puis okay. Maintenant, le remake, c'est juste Star Trek. Le monde, ils se sont pas habitués. Mais non. C'est bien normal. Faut pas virer fou, là. Bon. On va écouter Paul Carniello, voici la constée. Retourne à terre, il est un leader, non, retourne. Parcours des loups, Paul Cagnolo et La course des loups, la pièce de son plus récent album, La course des loups par le fait même. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On en a une deuxième pour vous. Et qu'est-ce qui s'en vient dans la deuxième heure, François-Olivier? Francine Jaudouin qui va venir nous parler en fait du bœuf canadien dans le temps des fêtes. On va lui poser une couple de questions à ce sujet-là. Ça va donner faim, ça, c'est sûr. C'est pas à cette heure-là. Oui, tellement on dîne à 10h, nous. Alors, on a aussi Vincent Gauthier avec sa chronique sport. Vincent, 10%, il va nous parler entre autres de football et de hockey. Football, oui, c'est ça. Ils vont même nous parler d'un toit à la stade au Minneapolis qui a dû céder. On parle pas de la neige. C'est pas le fun, ça. Non. Mais ce qui est le fun, c'est rester à l'écoute parce que l'info campus s'en vient. Restez là. Cet hiver, c'est fou. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. La pièce Favorite Food de Tokyo Police Club sur leur album Champ, hein, c'est un beau lien, hein, Favorite Food, bouffe préférée. Et moi, ce que j'aime, c'est le bœuf, tu le sais. Et je sais, Mathieu. Le bœuf, pendant les fêtes, c'est un repas assez populaire, mais les Canadiens, apparemment, n'ont pas les connaissances pour le réussir. On n'a pas toutes les connaissances. Pas toutes. Quelques-unes, peut-être. Effectivement. Donc, on va rejoindre immédiatement Francine Jaudouin, qui nous provient du Centre d'information sur le bœuf. Bon matin, Francine. Bon matin à vous. Ça va bien? Ça va très bien. Enfin, la tempête est arrêtée. Je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est arrêté. Ici, pas super. En fait, on s'en est quand même bien sorti, je pense, là. Ouais. Ah, mais ben, les pauvres gens à Gaspésie, hein, ils goûtent. Hein? Oh, tabarouette, vous êtes en Gaspésie? Non, pas du tout. OK, OK. Ah, c'est le camion, l'histoire des gens qui... Je pense à eux. Ouais, ben, pense à eux. C'est triste, en effet. Oui. Donc, bonjour Francine. En fait, c'est ça, vous allez nous expliquer un peu comment ça se passe au niveau du temps des fêtes pour faire un souper somptueux de roast beef. Un bon roast beef, je pense qu'on ne se trompe pas en servant un roast beef à ses invités, mais est-ce qu'on sait vraiment la façon de le faire cuire? Oui, la façon de le faire cuire, mais aussi c'est quoi un roast beef? Un roast beef, c'est une pièce de viande relativement tendre. Faut pas mêler les roast beef puis les viandes qu'il faut faire mijoter ou cuire en pot-au-feu. D'ailleurs, sur l'étiquette de la viande que vous allez acheter à l'épicerie, c'est marqué roast beef pour pot-au-feu ou roast beef pour le four ou roast beef gourmet. Les roast beef pour le four puis les roast beef gourmet sont ceux qu'on peut faire cuire selon la méthode que je vais vous donner, alors que les autres roast beef pour pot-au-feu, eux autres, faut les faire mijoter longtemps dans du liquide et avec un couvercle sur le dessus du chaudron. Alors que les autres roast beef, ben, on a fait faire des études pour s'assurer de la meilleure méthode pour avoir le meilleur rendement possible et le plus de temps de tri possible de la part des roast beef. Et on s'est aperçu que les recommandations qu'on faisait autrefois n'étaient pas les bonnes. Hein? Alors maintenant, ce qu'on recommande pour avoir le meilleur succès possible, c'est de faire saisir la viande à 450 degrés pendant 10 minutes ou la faire revenir dans un poêlon. Et ensuite, placer la viande au four à 275 degrés. Alors, je pense que la vieille méthode, c'était toujours aux alentours de 325, 350, tout le long de la cuisson. C'est beaucoup trop. C'est plus le cas. 450, 10 minutes, puis ensuite de ça, on baisse la température du four à 275. On n'ajoute pas de liquide à la rôtissoire. On ne met pas de couvercle sur la viande. On laisse ça vraiment tel quel. Par contre, on s'assure d'insérer au centre du roast beef en faisant attention de ne pas toucher à l'os si jamais c'est un roast beef avec os. Et on insère le thermomètre à viande au centre du roast beef dans le but de savoir quand est-ce que la cuisson du roast beef est prête, est terminée. Par contre, si on désire... un roast beef mi-saignant, puis c'est bien la mode ça au Québec, les viandes mi-saignantes. La température finale doit être de 140 degrés. Donc, on doit sortir le roast beef quand la température sur le thermomètre est rendue à 135 degrés. Oui, ça, c'est pas tout le monde qui a un thermomètre à la maison, donc l'important, c'est de se procurer on ça. On devrait tous en avoir. Parce que c'est vraiment le seul moyen infaillible de connaître le vrai degré de cuisson de nos aliments, quels qu'ils soient. La même chose pour la volaille. On peut l'utiliser pour la volaille. On sait qu'on veut pas que la volaille soit pas assez cuite non plus. Mais non, c'est ça. Ça, c'est dangereux pour la volaille. Mais pour le bœuf, si on le fait pas assez cuire, c'est juste moins bon au goût, mais c'est pas dangereux. Est-ce que ça l'est? Ça change pas le goût, sauf que on recommande de toujours atteindre 140 degrés. Donc, qui est une viande mi-saignante, qui plaît en général aux Québécois. Okay. Comme je dis, on le sort du four alors que la température est de 5 degrés de moins que la température finale qu'on veut atteindre. Okay. Et on le met sur le compte, on le laisse sur le dessus du poêle. On le couvre d'un papier aluminium, mais sans serrer, là, lâchement. Et on laisse reposer la viande de 15 à 30 minutes avant de la trancher. Si vous la tranchez tout ça va se mettre les jus vont se mettre à couler. La viande n'aura pas eu le temps de les jus de se résorber dans la viande. Et c'est la période de repos est vraiment importante pour que les jus se résorbent puis à ce moment-là qu'on garde toute la saveur. Combien de temps on laisse reposer? De 15 à 30 minutes. OK. Et puis, pourquoi en fait? Pendant ce temps-là, la température, la cuisson va continuer. Alors, si on l'a sorti 5 minutes, 5 degrés en bas de la température qu'on veut rechercher, ben à ce moment-là, la température, ça va monter jusqu'à la température recherchée pendant la période de repos. Ah, OK, OK. Alors, c'est vraiment la meilleure façon qui a été éprouvée en laboratoire pour pour la cuisson des roast beef. Mais comme je dis, c'est bien important de ne pas couvrir, absolument pas, de ne pas ajouter de liquide. Alors, les résidus de la rôtissoire après la cuisson, parce qu'il y a quand même des résidus qui vont tomber dans le fond de la rôtissoire, c'est avec ça que vous vous servez pour faire une bonne sauce, soit épaissie avec de la fécule de maïs, ou encore tout simplement une sauce au jus à laquelle vous aurez ajouté un peu de vin. Alors, vous allez être très satisfait de votre roast beef à ce moment-là. OK. Puis là, c'est ça, vous parlez, ça fait deux fois que vous le répétez, vraiment pas de l'arroser de liquide, mais sinon, ça fait quoi? Parce que en fait, je prends l'exemple de ma mère. Ma mère l'arrose souvent, et puis, en fait, il est bon. Pas qu'il n'est pas bon, sauf qu'à ce moment-là, si vous mettez du liquide, mais ça fait cuire un peu à la vapeur, parce que le liquide va bouillonner puis va faire de la vapeur. Alors, on évite ça. On veut que la viande soit vraiment rôtie. On appelle ça un roast beef ou un rôti de bœuf, donc pas de liquide. OK, bon, mais voyez-vous, ça, c'était l'erreur que j'aurais faite. Ah oui, il y a bien des gens qui font cette erreur-là. Il y en a même qui couvrent la viande. C'est encore pire. Parce que là, à ce moment-là, ça cuit vraiment à la vapeur. La vapeur se condense à l'intérieur du produit qui est couvert et puis ça cuit à la vapeur au lieu de rôtir. Merveilleux. Et puis, pendant le temps des fêtes, en fait, pendant qu'on vous a au bout de la ligne, y a-tu des façons de bien manger pendant le temps des fêtes? Je sais qu'on fait souvent des excès ou y a-tu des trucs, en fait, qu'on devrait éviter vraiment ou... On devrait pas éviter rien, sauf qu'on devrait manger en modération. C'est quand notre estomac nous dit « ça va faire », là, on continue pas à s'empiffrer. Ce qu'on a vraiment bon. L'habitude de faire dans le temps des fêtes, puis qu'on regrette rendu après le 1er janvier, puis qu'on s'aperçoit qu'on a pris 400 livres dans le temps des fêtes. Là, on prend une résolution qu'on ne tiendra jamais. Ben, c'est à peu près ça. Les 400 livres du temps des fêtes sont toujours difficiles à perdre après. Ouais. Ben, on sait que ça prend souvent du temps avant de se rendre compte qu'on a plus faim. T'sais, on dit que ça prend 20 minutes avant que l'estomac se rende compte qu'il n'y a pas faim ou quelque chose du genre. Alors, à ce moment-là, on mange lentement. Et voilà, c'est déguster. C'est justement, les repas des fêtes sont tellement cuisinés avec amour et affection dans certaines familles, en tout cas la plupart, j'espère, pour votre famille, que c'est bon, c'est bien fait. On en profite, on savoure, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Francine Jaudoin, du Centre d'information sur le bœuf. Oui, vous êtes super gentille. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée et joyeuses fêtes. La même chose à vous. Merci, bye. Francine Jaudoin, donc, du Centre d'information sur le bœuf à Assemblage Requis. Oui, on peut d'ailleurs visiter le site internet au www.boeufinfo.org. Donc, vous allez voir, en fait, là, il y a plein d'indications si vous n'avez pas tout saisi lors de la chronique. Là. Évidemment. Et puis, même que l'adresse est sur l'assemblagerequis.com. Ah, même pas besoin de retenir rien. Formidable. It's formidable. Bon. Donc, à Assemblage Requis, on continue jusqu'à 9h. Il nous reste une 45 minutes ensemble. Tout à l'heure, on reçoit Vincent Gauthier avec sa chronique sport 20-10%. Mais avant ça, François nous a choisi une pièce de Block Party. Block Party avec la pièce Banquet. Tout de suite. Vous êtes à Assemblage Requis.

As-tu le temps de récolter tes oignons, François? Ah, j'ai pas eu le temps au complet, mais j'ai fait une bonne partie. Une partie? Il joue au Schtroumpf sur son iPhone pendant les pièces. C'est fun, ça, hein? Je suis bébé comme ça. C'est mais... social. Ouais, mais il faut s'en occuper. Sinon. C'est comme un Tamagotchi 2010-11, ça, là. Non? Ouais, c'est ça, mais c'est un village, là, je trouve. Vous pouvez trouver l'application sur iTunes, évidemment. Ouais. Mais c'est pas la critique que tu vas nous faire aujourd'hui, hein? Non, non, c'est ça, exactement. Je fais une petite critique rapidement parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. De Call of Duty, mais le dernier Black Ops. Donc on fait ça dans la chronique Cynic. Mais qu'est-ce que ça va être, hein? Il l'a pas dit du tout avant. Critique de jeu. On aime ça. Faut bien le mettre une fois de temps en temps, le thème de CNX, si on veut que le monde se rappelle que ça existe encore. Oui, ben oui. Donc, Call of Duty Black Ops sur Xbox 360. Ouais, c'est ça, exactement. Développé le tout par Treyarch. Excusez-moi la prononciation. Treyarch. Édité par Activision. C'est en fait le septième titre de la série Call of Duty. Il y a eu des sous-chapitres avec d'autres noms, genre que ça a comme dérivé, puis il y a eu des embranchements ouais, avec Call of Duty. Ça. Ouais, c'est assez nébuleux, par exemple, ça, mais bref, des Call of Duty, il y en a vraiment 7. Quand on pense à World at War ou à Modern Warfare 1, là, en fait, c'est comme le 2. Non, il y a eu le 2. C'est le 2 du. C'est le 3 du Modern Warfare aussi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, là, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment mêlant. Mais ils ont en enlevé fait, le ils mot. Ils jouent dans le temps aussi, ils reviennent et on va. Donc, en fait, c'est sorti le 9 novembre dernier sur PlayStation 3, Xbox 360. Ça, c'est en fait sur ce que j'ai joué, donc je vais critiquer vraiment là-dessus. Windows, la Wii aussi. Je sais pas, la Wii, est-ce que les graphiques ils sont pareils? Ben, les graphiques sont quand même relativement beaux pour des jeux qui ressemblent plus à des dessins, mais pour des affaires qui doivent reproduire une vraie personne, je suis pas convaincu. Puis la Wii, en fait, c'est visé vraiment avec les manettes. Encore là, je serais curieux de l'essayer sur probablement. La Wii. Probablement. Ça doit être, je trouve, selon ce que j'ai joué, moi, comme jeu sur la Wii, ça doit être vraiment super jouer à ça avec la Wii. Ça doit être vraiment cool. Ouais. Puis je pense qu'ils vendent un truc pour la Wii ouais, pour faire comme vraiment un genre de fusil. Ouais, c'est ça. Donc, disponible aussi sur Nintendo DS. Donc, Mathieu, tu. Ouais, ben, il y a eu plusieurs versions portables sur différentes consoles qui comptent pas dans les sets de tes Call of Duty que tu disais. Il y en a eu comme plein sur les. Console portable. Ah, c'est bon. Enfin, OK. Ouais. Durant, c'est ça, le jeu s'est écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires durant seulement la journée du 9 novembre. Donc, 5,6 millions aux États et 1,4 au Royaume-Uni. Ça a d'ailleurs établi un nouveau record de lancement. Surpassant d'ailleurs son prédécesseur Modern Warfare 2. Mon premier jour a vu à 5 millions d'exemplaires vendus. J'en ai fait une chronique aussi d'ailleurs dans CNX. Oui. Donc, c'était très intéressant. C'est ta série pas mal, ça. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Écoute, je t'explique un peu. Black Ops, en fait, c'est la suite directe de World at War. C'est en fait qui était revenu dans le passé. Là, qui était le quatrième de la chronologie World War II. Ouais, c'est. Le jeu, en fait, se déroule dans les années 60 pendant la guerre froide, blablabla. En fait, je vous parle, là, en fait, je fais ça rapidement, là, l'histoire personnage, je fais ça rapidement. On incarne Alex Mason, protagoniste du jeu, interprété dans la version originale par Sam Worthington. L'histoire est parfois montrée par la perspective de son officier traitant la CIA. Donc, c'est ça, vraiment la CIA joue là-dedans. On a à faire des missions, là, vraiment, là, dans différents. Comment je pourrais dire ça? Mais on revient dans ses missions antérieures. On fait. C'est ça, ça joue vraiment dans le temps. Donc ça devient un peu mêlant. Et puis, moi par exemple, j'ai la version originale, donc en Highlights. Pour moi, en fait, c'est peut-être un peu plus dur à comprendre. Un défi, ouais. Ouais, vraiment toute l'histoire au complet. Mais c'est ça, on est un agent de la CIA capturé qui subit un interrogatoire. Ça commence comme ça. Et puis, c'est ça, ça nous remémore des missions antérieures, mais évidemment, il faut les accomplir. Donc, et puis, on revient dans le temps, c'est ça. Donc, mais l'histoire est bonne, Mais en fait, on se cache pas que quand on joue à... C'est pas tant pour l'histoire. C'est pas tant pour l'histoire. Ouais. En fait, là, je pense qu'il pourrait dire que le roi a pété dans une ballonne et il faut aller sauver la ballonne. Puis je pense qu'on irait. Donc, ça m'intrigue. Mais moi, personnellement, en tout cas, l'histoire, pas que ça m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse pas. Bon. C'est ça. Bon, mais faut le dire. Il y en a qui s'intéressent. Il y a des styles de jeu qui sont là juste pour l'histoire. Non, mais hein? c'est ça tout à fait. Mais ça je pense, c'en est pas. Ça n'est pas. Côté graphique, c'est ma foi sublime. Là. Sur une Xbox? Oh ouais, c'est vraiment. Puis j'ai pas non plus une TV HD, donc tu sais, je suis pas complètement à la résolution maximale. Ouais, maximale. Mais c'est vraiment très bien. Il y a quelques apparitions en fait au niveau des armes, des nouveautés. Dans celui-là, donc on peut parler d'une arbalète militaire avec. C'est sûr qu'on peut l'équiper comme on veut aussi. C'est le côté plaisant du jeu, on équipe vraiment son bonhomme. La personnalisation. Oui, c'est ça, exactement. Et puis la nouveauté dans le jeu-là, comparativement à Modern Warfare 2, c'est que en fait, on peut. C'est des points qu'on gagne et puis on achète en fait des facettes qu'on peut changer. Donc on peut peinturer la face du bonhomme pour se camoufler. On peut changer en fait son habillement. On équipe ses guns. On peut acheter des petites icônes pour notre nom quand ça apparaît sur Xbox Live. T'sais, on peut. C'est vraiment. Bref. Ça n'a pas de fin. T'as de la rejouabilité à mort parce que tu peux vraiment rejouer au jeu tant que tu veux, échanger plein d'affaires, acheter des trucs. Ça n'a pas de fin, mais ça va avoir l'air peut-être spécial ce que je vais te dire. Ça n'a pas de fin, mais en même temps, ça en a une qui est extrêmement rapide dans le sens que tu te rends compte. Parce que, en fait, ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est vraiment de jouer sur le live. Okay. En fait, j'ai fait le tour en environ 6h30. Du vrai, de la portion, là. Oui, puis pas à facile. Là. Je l'ai fait, je pense, à intermédiaire ou en tout cas, j'étais pas au plus dur non plus, là, mais je l'ai fait, en tout cas, intermédiaire. Et puis, c'est ça, 6h30, en fait, j'avais fait le tour de l'histoire. Non, c'est vraiment pas long. Et puis. C'est ça. Mais sur le live, en fait, c'est ça, ça a comme pas de fin. Mais en même temps, je peux comprendre. Écoute, je vais t'annoncer une primeur. Okay? Ma copine ne le sait pas, personne ne le sait. Mais je pense que je commence à aimer moins ça. Tu sais, dans le sens que c'est redondant. Les tableaux, j'aurais aimé ça voir beaucoup plus de tableaux élaborés. En fait, okay. Pour le live, c'est quelque chose ça qu'ils ont vraiment pas mis d'enfance. J'ai l'impression de tout le temps jouer dans les 5, 6 mêmes mais tableaux. C'est bizarre qu'ils aient pas mis l'accent sur le live si tu dis que le jeu est aussi court que ça. Mais si tu mises dans ce temps-là sur l'aspect live, t'en mets des tonnes. Non, c'est ça. Mais encore là, écoute, ils vont sortir des expansion packs. Ouais, qu'il va falloir acheter. Tu sais, encore. Du downloadable content, sûrement. C'est ça, exactement. Tu sais qu'il faut acheter ces trucs-là. Donc, ça je trouve ça un petit peu dur dans le sens que tu payes ton jeu quand même, mettons, 70$ pour 6h30. La plupart des gens le payent ce montant-là. Tu l'as payé en Deluxe Edition à 100 quelques dollars. Oh oui, non, c'est ça. Mais j'étais tellement fan que j'ai acheté la petite auto téléguidée qui vient avec ça. Soit dit en passant, qui est cool. Oui, j'imagine, j'espère. Oh, ouais, c'est très cool. Par exemple, ça prend beaucoup de batterie. Ah oui? Ouais, ça prend, je pense, 16 batteries. Puis est-ce que tu peux aller loin pour aller filmer parce qu'il y a une caméra dessus? Ouais, je l'ai sorti dans la rue, là, puis non, pour vrai, je pensais pas que ça allait aller si loin que ça. J'ai vu quelqu'un dans ma rue jouer avec un char téléguidé dehors. Je me demande si c'était pas du Call of Duty Black Ops. Peut-être. Eh bien, ça fait fureur, ce petit Deluxe Edition Prestige Pack. Oui. En fait, qui était très, très dur à trouver ici même à Trois-Rivières. Donc, je l'ai pris sur Amazon. Oui, c'est ça, exactement. Très bon site, d'ailleurs, que Mathieu Tante m'avait référé. Si vous voulez acheter, je pense que c'est une des places. Mais en tout cas, pour revenir au jeu, c'est ça. Les maps m'ont vraiment déçu. C'est sûr que le jeu, en tant que tel, rend accro, tu sais, dans le sens que tu veux t'améliorer, tu veux prestiger, parce que le but, c'est de prestiger. Tu as des grades, il faut que tu montes jusqu'à 70, si je ne me trompe pas. Modern Warfare 2 était comme ça. C'est sûr que je me suis pas encore rendu là. Ça prestige et tu recommences au début. Tu recommences au level 1. Wow. Tuc, tuc, tuc. Faut que tu regagnes tes armes. Est-ce que tu as des achievements Xbox? Des achievements. Tu sais, sur Xbox, t'as comme des achievements que t'as aussi, pas sur d'autres consoles. Ouais, c'est ça. Ben, comme je t'ai dit, en fait, j'ai pas joué sur les autres consoles. Donc, je sais pas. Non. PlayStation, je sais pas s'ils ont ça, peut-être. Je sais pas. Je sais pas non plus. Donc, c'est ça. Mais pas une très grande diversité, en fait, là, comparativement à l'autre. Moi, je m'attendais peut-être à un peu plus. Et je me rends compte que. Je sais pas. Si, mettons, exemple, il en sortirait un demain, je sais pas si je l'achèterais. Okay. Toi, tu voudrais... Ça m'a comme enlevé le goût. Là. C'est, ouais. C'est les maps. Vraiment, faites de quoi avec les maps? Amenez-moi des maps très grandes avec, à limite, plus de monde sur le serveur. Mm. Tu sais, essayez d'innover dans ce sens-là. Mais non, c'est vraiment là, deux équipes de 8 dans des petites maps... Je pense que la série est peut-être due pour un reboot majeur. Oui, je pense que oui. Mais c'est sûr qu'ils connaissent tellement de succès que... Pourquoi défaire une franchise qui fonctionne autant, c'est repartir ça. À neuf? Ouais. Peut-être c'est que tu devrais regarder d'autres séries qui ont le même genre de gameplay, mais peut-être pas Call of Duty. Parce que ça, c'est la marque Call of Duty qui peut peut-être pas revenir en arrière et ils doivent rester dans le même carcan qu'ils se sont imposés eux-mêmes. C'est ça, t'apportes un bon point. Je pense qu'à la limite, il faudrait que moi-même, j'essaye... juste un autre série. Puis c'est qu'il y en a sûrement d'autres. Oui. Je connais rien à ce style de jeu-là. Il y a Battlefield qui est très populaire aussi sur Internet. J'avais joué en démo sur Xbox Live et ça me semblait correct. Je trouvais ça dur aussi parce que j'étais quand même habitué à Call of Duty. Uh-huh. Les contrôles, par exemple, sont super efficaces à Call of Duty. Ça revient exactement au même. Donc, quand on passe d'un jeu à l'autre, ça va quand même bien. Il n'y a pas vraiment d'adaptation. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est sûr que ça prend encore là, si vous voulez acheter ça, exemple, à votre garçon pour Noël ou à un de vos amis, c'est sûr que ça prend la connexion Xbox Live pour pouvoir vraiment explorer le jeu parce que sinon, 6h30, c'est une blague. Là. C'est pour un enfant, surtout qui, je sais pas, de nos jours, peut-être que les parents ont plus d'argent, je sais pas. Mais dans mon temps, c'était un jeu pendant un maudit bout. Mais c'est ça. Mais le jeu peut être très efficace pendant un maudit bout. Encore là, faut... Mais le live, c'est cher. C'est ça, ça prend live. Encore là, par exemple, PlayStation 3, si on paye pas, le live est inclus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Même chose pour Wii, je pense. Oui, mais il n'y a pas de live tant que okay, ça. OK, OK. Non? Non, c'est ça. Je joue jamais live, donc ne prenez pas ça pour acquis. Ce que je dis. Mais il me semble qu'il n'y a pas de live en tant que tel. OK, ça. OK. Bref. Oui, vas-y. Et puis, juste en finissant, je voulais dire... j'ai perdu mon idée. Ah, c'est moi. C'est ma faute de savoir. C'est pas grave. Mais bon, peut-être de chercher ça dans d'autres jeux que la compagnie produit. Peut-être Infinity Ward, Treyarch, Activision. C'est ça. En fait, ce que je voulais dire, ça m'est revenu. Faut faire attention, par exemple, à offrir ça à des enfants, c'est violent. Là. On s'entend que... Même les sketchs, des fois, là, c'est... Les petites scènes animées. On voit du monde, là, en fait, se faire torturer. Puis ça a l'air... Ça devient une coutume. Puis en même temps, quand tu joues sur live aussi... c'est con, mais je deviens quand même assez frustré. Ouais. Dans le sens que, pour vrai, je pense que... Ça ramène des émotions. Là, négatives. Ouais. Sérieusement, là, tu veux le pogner dans ta... C'est stressant. C'est stressant, mais c'est fou. Mais en fait, un très bon aspect aussi, un dernier, en finissant, l'aspect sonore. OK. C'est vraiment... L'ambiance musicale. C'est wow. Pour vrai, là, les bombes qui sautent, si ça saute à droite, c'est parce qu'elle est à droite. Okay. C'est en avant, en arrière, c'est malade. Wow. Ça, là, pour vrai, là... Puis en même temps, elle le son. Si vous êtes seul, jouez à ça, là. Elle le son. Soulagez-vous, là. Tirez sur du monde, puis écoutez des bruits de... Bon. Tu savais, j'imagine, que Activision a confirmé la 8e partie de la franchise. Ah non, je ne savais pas. Un first-person shooter qui va sortir dans la deuxième moitié de 2011, donc soyez là pour ça. J'imagine que François va peut-être se louer. Non, l'acheter? T'es vendu maintenant déjà? Écoute, je vais être franc avec toi, je vais sûrement l'acheter. Mais là c'est ça, vois-tu, il y a une annonce déjà pour la moitié... Deuxième moitié de 2011. Donc, mettons, juin... Ouais, ben, minimum, peut-être les fêtes. Ouais, peut-être les fêtes aussi, mais tu sais, crime, ça va être ils reprennent la même chose, ils changent un peu les maps. Et le numéro, et le nom. Ouais, en tout cas. Ah, les gars. Donc, c'est Call of Duty Black Ops, c'est sur Xbox 360 et entre autres, PlayStation 3, PC, Nintendo DS. Sûrement qu'il y a des versions qui sont pas mal moins évoluées, comme sur la DS, on peut s'entendre là-dessus. Date de sortie 9 novembre par Activision. Score, selon les critiques, 37 critiques reconnues partout dans le monde ont donné une note amalgamée, mettons, rassemblée de 88. Mais j'aurais peut-être donné un peu moins. Ben, tu vois, c'est le consensus des utilisateurs qui est beaucoup plus bas. Dans ton comment tu dirais, mettons, tu avais donné un chiffre, je crois absolument pas au cut, mais mettons... 75%. OK, ben, mettons. La note est de 63, 6,3, selon 440 codes donnés par les utilisateurs du site Metacritic. C'est un first-person shooter, c'est coté M, donc 17 ans et plus. Call of Duty Black Ops. Merci, François. Ben, merci, Mathieu. Beau travail. Excellent travail. Nous, on prend une petite pause et puis on revient avec Vincent Gauthier, sa chronique de sport. C'est Vincent 10% à Assemblage requis. À salut. Frosty the Snowman at the hurricane. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. OK, go en feu avec la pièce White Knuckles au 89 FM. C'est Assemblage requis. Émission feu. Matinale en pièces détachées. On fire. Our shit is on fire. Attends, je vais me censurer. Our shit is on fire. Yes. Faut pas dire des mots comme ça à la radio. Mais non, jamais, jamais. Hey, on reçoit présentement Vincent Gauthier qui va nous parler de sport. Salut Vin, ça va? Salut, ouais, ça va bien. Toi? Yes, ça va bien. Hey, tu me disais, en fait, par téléphone, on s'est parlé un peu avant, que c'est vraiment la tempête à Québec en ce moment. Ouais, c'est encore une fois le bordel, là, je peux juste regarder par ma fenêtre, là, puis ça roule au ralenti, puis ça tombe allègrement. Bon, le truc, c'est de ne pas regarder par la fenêtre. Ouais, c'est ça, j'ai fermé mes stores. Et de ne pas sortir de la maison. Ouais. Donc, hey, Vince, tu vas nous parler, en fait, des les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre qui sont en feu. Ouais, c'est ça, ça fait 5 victoires de suite, là, qu'ils viennent de récolter. Sont tout simplement l'équipe à battre, là, présentement, dans la Ligue nationale de football, là, parce que leurs deux dernières prestations ont été très, très impressionnantes. La semaine d'avant, il y a deux semaines, ils avaient écrasé les Jets de New York, là, une des très bonnes formations de la Ligue, là. Ils avaient écrasé, je pense, 45-3. Et puis cette semaine, ben, ils ont servi la même médecine aux Bears de Chicago, qui sont aussi une autre très bonne formation, là, de la Ligue, là. Donc, ça, c'est une victoire très convaincante de 36-7. Ça me fait un baissement au cœur de dire ça, mais parce que j'aime pas vraiment les Pats, là, mais je me demande bien qui va pouvoir les arrêter là d'ici la fin de la saison, là, parce que Tom Brady est sensationnel, là, puis bref, je vois pas qui peut les arrêter pour l'instant s'ils continuent sur cette lancée-là. Donc, en fait, eux autres, on pourrait dire que c'est les favoris pour remporter le Super Bowl, ou... Oui, c'est ça. Ça a été une saison quand même assez bien partagée. Là. Ça a toujours été difficile de déterminer qui a fait une longueur d'avance. Là. Mais justement, depuis 3-4 semaines, la façon dont les Patriots jouent, là, ça va être très difficile à stopper cette grosse machine de football-là. S'ils maintiennent ça, évidemment, ça prend de la constance. Oui, c'est ça. Non, il reste quand même 3 semaines au calendrier régulier. Quand même, quelques affrontements intéressants cette semaine-là. Dont la division des Colts d'Indianapolis contre les Jaguars de Jacksonville. Les deux équipes vont s'affronter et puis ça risque d'être assez déterminant là, pour le championnat de la division. Là. Donc ça va être un des matchs assez importants à surveiller cette semaine. Ben, parfait, merci. On va regarder ça. Le toit du Metrodome de Minneapolis, qu'est-ce qui se passe avec ça là? Ouais, ben ils ont reçu un peu de neige, comme un peu tout le monde, peut-être même un peu trop, ça a l'air, parce que justement, le toit du Metrodome où jouent les Vikings du Minnesota, c'est pas complètement effondré, mais bon, si vous allez voir sur YouTube, là, il y a une bonne portion du toit là, qui s'est effondré. Heureusement, il y avait personne à l'intérieur, là, mais les images sont assez spectaculaires, et puis le toit a cédé sous le poids de la neige. Donc, ça a fait le tour des nouvelles là, aux États-Unis, évidemment, et puis ça a forcé les Vikings à se trouver un autre domicile là, pour la fin de semaine. Puis au lieu de jouer le dimanche, ben, ils ont été forcés de jouer le lundi soir contre les Giants. Puis au lieu de jouer à Minnesota, ils ont joué à Détroit. Mais bon, à Détroit? Oui, c'est ça. Okay. C'est la façon la plus simple qu'ils ont réussi à trouver là, de jouer ce match-là sans avoir à le reporter, parce que ça aurait tout chamboulé le calendrier. Là. OK. Merveilleux. Donc c'est ça, c'est un événement quand même assez solide, mais bon, ça n'arrive pas à tous les jours là, que le toit... d'un édifice comme ça s'effondre. Et puis c'est ça, comme je vous dis là, j'imagine que sur YouTube et tout ça là, ça doit être disponible. Les images sont quand même assez bonnes et assez impressionnantes. J'ai mis le lien sur assemblagerequis.com pour ceux que ça intéresse, assemblagerequis.com dans l'émission d'aujourd'hui. Donc merveilleux. Et puis juste en passant aussi, s'il n'y a pas juste à Montréal que les toits s'effondrent. Non, c'est ça. C'est pas juste à Montréal. C'est peut-être les mêmes qui ont construit la salle olympique. Il faudrait voir. Là, ça, je suis pas un expert là-dedans. Peut-être c'est les mêmes. Il y a peut-être un problème quelque part. Hey, hockey junior, qu'est-ce qui se passe de beau? Ouais, ben équipe Canada junior est complète depuis ce matin environ 8 heures là. Oh ouais? Sur le site de Hockey Canada. L'alignement complet n'est pas encore disponible, mais bon, si on se rend sur le RDS, là, Stéphane Leroux qui est là-bas, on apprend justement que 4 des 5 représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont survécu à la dernière coupure. Le seul qui n'a pas survécu, c'est dommage, c'est le petit gars de Shawinigan, c'est Michael Bournival, le capitaine des Cataractes. Il a été du nombre des 9 derniers joueurs qui ont été retranchés ce matin. Donc, 4 joueurs de Ligue de hockey junior majeur du Québec qui vont représenter le Canada, c'est-à-dire le gardien de but Olivier Roy, le défenseur Simon Després, et puis les attaquants là, Louis Leblanc, qui appartient au Canadien de Montréal, Leblanc, et ouais. Puis Sean Couturier, qui risque d'être un des 2 premiers choix au prochain repêchage, là, si ce n'est pas le premier. Leblanc, lui, il joue, là. Il joue avec le junior de Montréal présentement. Quand même, une bonne saison. Il était ennuyé par une blessure à l'épaule. Et puis, justement, on se demandait là, si ça allait pas compromettre ses chances de faire l'équipe canadienne junior. Mais bon, il a quand même réussi à épater la galerie. Là, puis, comme c'est un vétéran de 19 ans, là, il a quand même, je crois qu'il avait sa place avec la formation. Là. OK. Lui, il a d'ailleurs joué pour Harvard. Oui, c'est ça. L'année passée, là, il a joué une saison dans les rangs universitaires américains à Harvard. Bon, c'est sûr que c'est quelqu'un d'assez intelligent là, pour réussir à être admis à Harvard. Ouais, je pense que oui. Mais côté programme de hockey, c'est vraiment pas une des sommités là, en la matière là, aux États-Unis. Là, donc, peut-être pour parfaire là, son cheminement à hockey, c'est pour ça qu'il a décidé de revenir dans le hockey junior, là, parce que il dispute vraiment pas beaucoup de matchs là, au niveau universitaire américain. Donc, ça va mieux le préparer à une carrière professionnelle en jouant 68 matchs par saison là, avec le junior majeur. OK. Ah, crime, c'est hard. Je me demandais c'est quoi un peu la différence entre. Mais j'avoue qu'à universitaire, les gars en jouent pas mal moins. Ouais, c'est ça. C'est plus axé sur la pratique. Là. Il joue pas vraiment un calendrier qui ressemble là, à ceux de la Ligue nationale de hockey. Parfait. Hey, en terminant, le CH, qu'est-ce qui se passe, oui, les deux défaites? Je sais pas, là. Le Canadien est difficile à suivre. Bon, ça allait très bien. Et puis, là, deux défaites à Détroit et à Toronto. Celle à Détroit, bon, c'est pas la fin du monde, là. Par un but, plus un but dans un but désert. Et puis, les Red Wings, c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Mais c'est surtout celle à Toronto, là, qui fait mal, là, l'équipe. Ouais, ouais, ouais. L'équipe ne s'est pas vraiment présentée. Et puis, Toronto, qui est vraiment pas une force défensivement, seulement marqué un but, le Canadien. Donc c'est ça, là, depuis le début de l'année, encore une fois, Carey Price fait le travail, mais c'est vraiment là, quand il y a le temps de marquer des buts, là, qu'il y a des interrogations au niveau du Canadien. Peut-être pour trouver une solution à ce problème-là, là, le Canadien a rappelé Max Pacioretty, qui était tout feu, tout flamme dans la Ligue américaine. Là. Ça fait quelques années là, qu'on attend que Max Pacioretty prenne sa place dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y a eu deux chances auparavant avec le Canadien et puis ça n'avait pas été très, très concluant. Là. Donc, il reste à voir là, s'il va réussir à saisir sa chance cette fois-ci. Là. On parle beaucoup de Desharnais aussi. Desharnais, oui. Lui, qui j'ai l'impression que, je sais pas, en fait, ils l'ont tout oublié ou... Ouais, ben j'ai l'impression qu'il est peut-être pas dans les bonnes grâces de l'organisation parce que selon moi il s'est fait complètement niaiser samedi. Oui. ils l'ont rappelé par mesure préventive au cas où Scott Gomez ne serait pas capable de jouer. Parce que Scott Gomez est ennuyé par une blessure, une des fameuses blessures au bas du corps où on ne sait pas trop ce qu'il a. donc c'est ça, David Desharnais a été rappelé d'urgence. Et puis là, on apprend que Scott Gomez ne va pas être de la formation contre les Maple Leafs, mais que David Desharnais non plus, et que Jacques Martin préfère y aller avec sept défenseurs et d'habiller Yannick Weber. Donc, c'est bizarre à comprendre le fait qu'on a rappelé David Desharnais, parce que, justement, sa présence, là, c'était pour remplacer Scott Gomez. Et puis Gomez ne joue pas, et Desharnais non plus. Donc, on l'a un peu rappelé pour rien. C'est comme lui faire un peu des faux à croire, des faux espoirs. C'est difficile à savoir ce que le Canadien veut faire avec lui. Là, on dirait qu'ils n'ont pas totalement confiance en Desharnais. Pourtant, c'est un jeune rempli de talent, là, puis il le prouve à chaque fois qu'il va dans la Ligue américaine. Ouais, c'est plate. C'est vraiment plate pour lui, en tout cas. Ouais, ça redore pas l'image du Canadien vis-à-vis des francophones et les Québécois. Là, on soupçonne toujours qu'ils ont un traitement un peu plus difficile. Là. Ouais, puis ça a l'air d'être le cas. Oui. Bon, hey, merveilleux. Écoute, Vincent, nous, c'était notre dernière pour l'année 2010. Déjà. Écoute, on revient en ondes le lundi, le 10 janvier. OK, excellent. J'aimerais ça si tu pouvais être avec nous encore. Je vais être encore au rendez-vous. Il était là dans la radio, t'as pas le choix de dire oui. Ouais, c'est ça, toute la pression sur mes épaules, là. Sympathique, François-Olivier Marchand. Si t'as de quoi, au pire, tu me texteras, là. Non, ça va me faire plaisir de poursuivre l'aventure. Cool, Pourquoi merci. Pourquoi t'es ami avec lui, déjà? Je blague, bien sûr. Bon, donc, oui, merci, Vince. Puis écoute, on essaie de se pogner un petit tour pendant le temps des fêtes, là, avec Dominique, là. Excellent, il n'y a pas de problème. Parfait. Doom. Doom. Je ne connais pas. Cool. Hey, merci, Vince. Merci. Yes. Bonne journée. Salut. Vincent Gauthier, en direct pour parler de sport dans sa chronique Vincent 10%. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il nous entend en train de dire que c'est ça le nom de sa chronique? Non, sûrement pas. Okay, bye. Il sera jamais. Tu l'as flashé. Ouais. Right away. Qu'il sache, mais là, je veux pas qu'il sache. Il a dit, puis tu l'as flashé. Ah, il te rappelle, hein? Qu'est-ce que c'est, Mathieu Plante? voilà, on va parler de sport beaucoup plus l'année prochaine. Parlons-en tout de suite, hein, Nicolas Ducharme. Nicolas Ducharme, d'ailleurs, qui fait son stage en communication ici, assez fou. En fait, Nicolas Ducharme qui anime déjà l'Inconduite de partie. Les vendredis matin de 9 à 11. C'est ça, cet hiver, il va animer aussi une autre édition de l'Inconduite de partie le lundi. Le lundi, oui, tout à fait. Il va toujours nous parler de sport. En fait, le lundi, il va pouvoir nous parler des résultats de la fin de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Parce qu'on sait que la fin de semaine, les sports, c'est là que ça se passe pas mal. Et puis, en fait, le vendredi, il va présenter ce qui s'en vient durant la fin de semaine. Exact. Et pendant le reste de la semaine, il va avoir des présences dans Assemblage requis et dans le dîner de con. Oui, c'est ça, exactement. Donc, exactement. Il va travailler aussi au niveau de la communication, là, au niveau de la radio et du journal. Et il va continuer les sports dans la zone campus. Donc. Oui, oui. Ah, ça va être une bonne session pour lui. Overdose de sport. Ça va être mais je pense qu'il en mange. Il a de l'air passionné, en fait. Puis, ça, je trouve ça vraiment le fun, en fait, parce que c'est pas tous les étudiants qu'on voit, en fait, qui se trouvent des passions. Non? Oui, non, ben, je suis bien d'accord avec toi. Mes yeux étaient juste pour dire on nommera pas de nom. Ben non, ben, on n'est pas là pour nommer de nom aussi. Puis c'est correct, moi aussi, en fait, là, quand j'étais au cégep, j'avais pas beaucoup de passion. Ça se développe. Et voilà. Faut se donner une chance. On aime ça. Donc, Nicolas Ducharme, ça va être la vedette de C'est fou pendant la session d'hiver. Donc, soyez à l'écoute à partir du lundi 10 janvier à 7h. À 7h. Oh oui. François? Mathieu Plante. Il nous reste pas beaucoup de temps à l'émission. 7 minutes. Juste assez pour aller entendre Danko Jones. Voici Danko Magic Jones. Snake. Sur C'est fou, 89 ans. You got a makeshift 666 on the back of your skull. The birds and the bees don't come around no more. It's just too bad your honey pot dried up. Now frustration ends in fisticuffs. Don't slither no more. Fantasies can't turn to nightmares. You got a house full of haunts, but a house just ain't a home. Stay in if you wanna, but your hunger ain't into leaving. You got a wand that don't seem to wanna go. The slump don't let you grow. Sit at home all alone. It's Friday night, but your magic snake don't wanna play outside. No, sit at home all alone. It's Friday night, but your magic snake don't slither no more. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Hit the ground, is that a way to celebrate? Fool around, meet me right next to the counter and I found the quiet place. Tolerate now. Hit the ground, is that a way to celebrate? Move around, I can't stand that sticky space. I found a quiet place, and please come down and tolerate now. I'm still falling for this fiction. Celebrate for Winter Love's the way to celebrate leur album About a Girl. Hey, ça fait longtemps. Ah oui? Ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette pièce-là. Très bon album de Winter Love. On est tous les deux très accros à cette formation. On les adore. Demain à l'émission, Assemblage requis, à 7h évidemment, qu'est-ce qu'on a? Demain, c'est notre dernière émission. De l'année. De l'année 2010. En direct. Tout à fait. Parce qu'il y en a d'autres après. Oui, c'est ça. Ouais, mais en direct. En direct. Donc, demain, Simon Fédibé avec sa chronique Phénomène. Tout à fait. François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Et exceptionnellement, Kiwan, qui d'habitude est là le mercredi, va être là demain pour nous parler d'un spectacle qu'on va voir ce soir. Donc, c'est pour ça qu'il est là demain dans l'émission à 7h. Heure avancée et ou régulière ou comme normale de l'Est. Demain, 7h. L'heure de Trois-Rivières. L'heure de Trois-Rivières. Do love. Et donc, soyez là. D'ici là, ben, le dîner de con s'en vient à 11h tantôt. Soyez à l'écoute avec Charles-André Lambert et Danny Janvier. Passez une très bonne journée, François. Très belle journée à vous aussi, Mathieu Plante.